Il n'y a que deux sortes de gens dans la vie, si on réfléchit bien. Raldas. Il y a ceux qui parlent et ceux qui agissent. Mendo. La plupart des gens ne font que parler. Ils parlent et c'est tout. Kasai. Mais au bout du compte, c'est ceux qui agissent qui changent le monde. Et en changeant le monde, ils nous changent aussi. C'est pour ça qu'on les oublie jamais. Vous êtes dans quel camp? Y'a ceux qui parlent et ceux qui agissent. Moi je pars puis je réfléchis. Vas-y, parle pas avec moi si tu fais pas. De nos gens trop de faux qui s'inventent des blèmes pro. Raidaz, MANDO, on reste pro. Toujours contre les faux. Faux, passe la raconter. Si t'es bon qu'au cara, ok, ok. Viens ici, je vais te montrer c'est qui les G's. J'vise toutes ces pétasses, plein de bla bla. Oh, dis toi aussi tu parles, parle trop. Achète un gilet par balle gros. C'est l'équipe de gangsta. MANDO, Raidaz, on blague pas. Non, pas là pour changer le monde. Mais sur cette prod, on gronde. Toujours sur le terrain, un MIC à la main. Ceux qui agissent, qui changent le monde. Vous êtes dans quel camp? Avant de parler, ma langue a tourné. Tu fais appel à mon savoir-faire. Dans un métal que dans mes idées. Proche et Lucifer. Et dans ma vie fière. Aussi comme Emolos, aussi DJ Flair. Parle, parle, mais c'est quand même que tu fais. Tu sais, la vie n'est pas qu'un rêve. Ne crois pas que ton réveil, ta vie de rêve est prémonition. Garde l'épée sur terre. C'est pas demain que tu baiseras ma mère. Je dis, je fais, je parle des faits. Parce que je te donnerai de l'effet. Un bon parleur, je fais, un bon orateur. Si tu veux un bon baiser, mais rien d'imprimeur. C'est pas une rumeur. Juste des faits, t'inquiète, on agit, on reste frais, on est frais, tellement on est frais, frais. Mais arrête de te la raconter, comme ça sans arrêt. Si à chaque fois t'en fais que la moitié, c'est sans intérêt. Soit tu parles ou soit t'agis, mais ne m'étonne pas sur toute ta vie. T'arrives juste à nous faire gollerie. C'est ceux qui agissent qui changent le monde. Vous êtes dans quel camp? Dans quel camp? Vous êtes du genre à vous écouter parler ou vous vous levez et vous bougez? Parce que croyez-moi, tout le reste, c'est que des conneries.